La haine. Amélie patientait sur la couchette de mousse hydrocellulaire, parfaitement lucide. Son uniforme, ses sous-vêtements gisaient en lambeaux dans une poubelle à côté, parmi seringues usagées et coton souillé. À la surface de son corps nu, sang, suie et sueur traçaient la carte du conflit social. Une lumière aveuglante inondait la salle, révélant, inlassablement, chaque détail de sa peau torturée. Mais la chaleur sèche et l'odeur de lavande offraient quelque chose de réconfortant. Des fleurs, de vraies fleurs, ornaient la fenêtre de l'arcologie. Murmurant à voix basse, trois masques médicaux équipés de microscopes surplombaient froidement la patiente, inspectant chaque parcelle, nettoyant ses plaies, suturant à l'aide de lasers chirurgicaux. Appuyés de scans et d'holoprojections, les médecins travaillaient vite et bien, leurs mains expertes s'affairant sur chaque centimètre de chair avec une précision impeccable. À côté, une panoplie d'éclats de métal baignait dans un bac d'eau rosi par le sang. Des petits fragments et d'autres plus gros, des slugs en téflon, conçus pour percer les armures. Lorsqu'un des médecins enfonça une pince pour extirper un dernier éclat de sa cuisse, Amélie ne put retenir un gémissement. Mais quand un infirmier surgit dans son champ de vision, approchant du soluté avec une seringue translucide, l'officière lui jeta un regard accusateur. Pas de sédatif, j'ai dit. Elle voulait tout ressentir, jusqu'à la moindre douleur. Cette douleur-là, maintenant, dans la réalité, dans le monde sensible, celui qui avait un goût, une texture, une odeur. Et plus que tout, Amélie voulait s'accrocher à une émotion, une vraie. La haine. La haine la mènerait droit au but. Ces vermines ne méritaient que le mépris et elle les piétinerait comme autant de coquerelles. Il l'avait traitée de marionnette, mais c'était du pareil au même. Il cherchait à la manipuler comme tous les autres, à décider à sa place. Il fallait être forte. Avec la force, tout serait parfait. Et elle n'aurait plus jamais à être triste, seule ou confuse. Elle aurait sa place. Enfin. Bien, bien. Commença abruptement une voix mielleuse, chaleureuse. Comment se porte ma championne? Incrédule. Amélie battit de ses paupières enflées à travers les larmes et la crasse. Elle n'eut pas à chercher très longtemps pour trouver la source de cette voix. Là, l'holoprojection sur le mur de la salle d'opération. Un beau visage, carré, bien rasé, séduisant. Ses yeux azur, ce col de chemise et ce sourire si bon, si bienveillant. William Saint-Onge. Je... bredouilla Amélie. Monsieur? Au repos, soldat. Blagua William Saint-Onge en toute légèreté. J'ai lu les notes du premier officier Gautier. Wow, quelle aventure! Je suis tellement désolée, avoua Amélie subitement. Elle était nue. Entièrement. Mais il n'y avait pas d'autre honte que celle d'avoir échoué, doublée du désir de le satisfaire. Dans le fond, c'était bien qu'elle soit nue. Plus question de se cacher, seulement d'embrasser la vérité, de se rendre à ce sourire aimable, se confier entièrement à son jugement. Elle devait tout à cet homme. Peut-être pouvait-il même lui pardonner, récompenser sa sincérité. « Je les avais là, monsieur, mais ils m'ont encerclé et... »« Bill !» coupa William Saint-Onge. Appelle-moi Bill. T'en fais pas, la croix. De ce que je comprends, tu t'es collé à ces terroristes à quoi? Une contre cinq? Voilà qui nécessite des couilles, la croix. Façon de parler. Bravo. Maintenant, ils savent qu'on reculera pas devant l'intimidation et la violence. Excellent. J'ai bien fait de te recruter. Merci, hésita Amélie, émue. Bill, je ferai mieux la prochaine fois. Tu peux compter sur moi. Justement, enchaîna l'autre, soudainement sérieux. J'ai besoin de toi sur le terrain, la croix, le plus rapidement possible. Tu comprends? La roue tourne. Est-ce que je peux compter sur ton talent? Les nerfs à vif par la douleur et l'adrénaline, Amélie avait peine à comprendre que Bill était en train de lui demander si elle était prête à reprendre du service immédiatement. À elle, et non pas aux trois docteurs dans la pièce. C'était une brèche de protocole, mais peut-être que les gens comme lui étaient au-dessus de tout ça. C'est à ce moment qu'Amélie réalisa que sa confusion était partagée. Les médecins, derrière leurs masques de chrome et de nylon, leurs visières et leurs microscopes chuchotaient l'un à l'autre, circonspects. L'un d'eux pointait une analyse de sang luisant sur l'holocom. Une analyse qui révélait certainement l'absence d'antidépresseurs dans son système, des médicaments pourtant prescrits. À cet effet, une note au dossier permanent d'Amélie émise par un certain psy du SOM. Un avertissement en grosses lettres rouges. Enfin, un des trois docs pointait à cette douzaine de cicatrices parallèles à l'intérieur de la cuisse d'Amélie, jugeant, selon l'angle, qu'elles avaient été clairement auto-infligées. Les trois médecins étaient en train de formuler un nouveau diagnostic. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Amélie brisa le silence. « Oui, Bill, » lança-t-elle. « Affirmatif. Donne-moi quelques minutes. » Bill sourit de son beau sourire et son image s'évanouit. Lorsqu'Amélie se retourna devant les médecins, ce n'était pas l'humilité ni le sens du devoir qui habitait ses traits. C'était cette nouvelle émotion, cette émotion sacrée qui lui tordait le visage. La haine. « J'ai une job à faire, » leur cracha-t-elle. « Alors faites la vôtre et patchez-moi au plus sacrant où vous allez le regretter, compris ?»